s'emparer de mon âme complètement. Et pour le moment, je laisse les démons s'emparer de mon âme complètement. Et ça fait mal et je souffre. Je coule, je me noie. Je cherche à toucher le fond. Se repousser et remonter pour respirer à la surface, tout oublier, se libérer et s'envoler vers d'autres espaces. Mais pour le moment, je laisse les démons s'emparer de mon âme complètement. Hey, pour le moment, je laisse les démons s'emparer de mon âme complètement. Je cherche à toucher le fond. Pour se repousser et remonter, pour respirer à la surface, tout oublier, se libérer et s'envoler vers d'autres espaces. Mais pour le moment, je laisse les démons s'emparer de mon âme complètement. Pour le moment, je laisse les démons s'emparer de mon âme complètement. S'emparer de mon âme complètement. Pour le moment, je laisse l'aide. S'emparer de mon âme complètement. Pour le moment, je laisse l'aide.